Travailler, mal à la tête. Il avait mal à la tête parce qu'il avait trop travaillé. Manger, mal au ventre. Il avait mal au ventre parce qu'il avait trop mangé. Marcher, mal aux pieds. Il avait mal aux pieds parce qu'il avait trop marché. Pleurer, mal aux yeux. Il avait mal aux yeux parce qu'il avait trop pleuré. Danser, mal aux jambes. Il avait mal aux jambes parce qu'il avait trop dansé.